c'est mieux comme ça. Du moment présent. C'est mieux le refrain comme ça. I change the chorus. Change the chorus. Change the chorus. Okay, bye. Change the chorus. Just a minute. Irish change. 1, 2, 3, 4. Sur la plage, j'ai passé tant d'heures.